désert, l'inox. Ils veulent du rap mais c'est pas la peine. J'ai pris le mic et je ne réponds plus qu'à l'appel. Des syllabes, je vais pas te la faire à la CIA. Je pense que j'ai pas ma place dans ce monde de rapace. Si t'en fais partie, ne me suis pas. Je fais trop de pas depuis que j'avance. Le seul trompe pas des challenges, j'arriverai jamais à tout mettre au point, j'en suis conscient. J'ai la passion du son dans le sang. Aucun mensonge dans mes paroles, je veux kiffer des morceaux dansants. Et d'autres moins drôles. Je prends la tasse dans cette merde. Et je suis pas le seul à bord, on est le 17 mai, j'émerge sur une prod à trop. À quoi ça sert de vouloir mettre tout le monde d'accord? Si je cale des 16, c'est pour moi-même d'abord. J'aurai aucun impact sur les taux d'impôt. Mais avec mes mots, j'espère briser des codes. Faut pas croire que c'est le rap ou la bédaf qui m'a fait quitter l'école. Je suis comme tout le monde, je fais mes courses au Lidl. Choupe pas au Lido. Après deux chants, je m'endors dans le fauteuil. Ils veulent du rap, ils veulent j'assure. Pour des trucs du rap, faudrait que j'assume les trucs qui font de moi celui que je suis. Pas celui que je fume, la vie me perturbe et tente de fuir. Dans l'écriture, je trouve exil la connerie. Pas rap durant les nuits où je réfléchis. Ils veulent du rap, ils veulent j'assure. Pour des trucs du rap, faudrait que j'assume les trucs qui font de moi celui que je suis. Pas celui que je fume, la vie me perturbe et tente de fuir. Dans l'écriture, je trouve exil la connerie. Pas rap durant les nuits où je réfléchis. Comme d'habitude, je sais pas par où commencer. On ne finit pas de s'exprimer, nos faits tristes sont romancés. Je vais pas te chanter ce beau récit qui te fera danser. J'ose croire que j'écrirai ce texte sensé qui te fera penser, qui me fera changer. J'ai toujours l'espoir que mes déboires soient recensés. Les regrets sont des noms faits tant que ça ne déçoit pas de se lancer. Je préfère le dire d'emblée. Divisé pour diriger, on finit de se rassembler. Mais pas de se ressembler, nos affaires nous ont vite distancés. À quoi ça sert de définir l'entraide si chacun prépare la guerre dans l'idée de finir en paix? Chacun milite en scred, nous on craque nos mines sur le papier. Écoute la dissidence, mec, quand le silence domine sur le quartier. Nos écrits sont nos chantiers, quand ils durent, ça ne peut qu'offenser. On se construit sur de beaux sentiers, parfois trop éloignés de vos chamblés. J'écris ces rimes avec le sourire, j'y vais, je gère et j'innove. Voici une œuvre condamnée à l'oubli, signée 2R et l'inox. Ils veulent du rap, ils veulent j'assure. Pour des trucs du rap, faudrait que j'assume les trucs qui font de moi celui que je suis. Pas celui que je fume, la vie me perturbe et je tente de fuir. Dans l'écriture, je trouve exil la connerie. Parle durant les nuits où je réfléchis. Ils veulent du rap, ils veulent j'assure. Pour des trucs du rap, faudrait que j'assume les trucs qui font de moi celui que je suis. Pas celui que je fume, la vie me perturbe et je tente de fuir. Dans l'écriture, je trouve exil la connerie. Parle durant les nuits où je réfléchis.